je ne connais que sa voix. Elle est belle, la fille du premier, et je le sais sans l'avoir regardé. Elle est bien seule, la fille du premier, et je le sais sans lui avoir parlé. Il suffirait d'un voyage qui dure le temps